Les perles par Charles-Henri Hirsch. Nous avons déjeuné chez Lucullus, s'écria la petite madame de Brigeon, qui avait pour bijoux ses yeux noirs, ses dents claires, et l'adorable nudité de ses mains où ne luisait qu'un mince anneau d'or. Elle ne fut pas comprise de toutes les femmes assises à la table de l'opulent Grutin, que l'on vit s'épanouir d'aise à ce compliment. Il l'avait mérité, ayant la veille, de l'une de ses 7 usines, téléphoner ses ordres à son maître queue. Il suffisait à Madame Grutin d'être belle, et elle croyait régner. On le lui donnait à entendre avec une si généreuse insistance qu'elle pouvait être dupe sans pour cela manquer d'esprit. Monsieur Barrelier cita Virgile, en vieil homme de bureau, qui sait un seul auteur et que personne n'écoute plus, après y avoir été pris une fois. Les convives quittèrent leur siège pour le salon. « Alors comme ça, je suis Lucullus, moi. » Il en fit triomphe à Madame de Brigeon. Elle aurait voulu, de ses coudes à peine pointus, percer les paumes grasses et chaudes qui les cernaient. Elle se trémoussa pour faire lâcher prise aux grosses pattes de l'homme trop riche. « Vous emballez pas, c'est jamais que les marchands nouillent, » répliqua-t-elle, libre enfin. Elle courut à l'une des 4 portes-fenêtres ouvertes sur la terrasse, et elle aspira une longue gorgée de l'air sucré par l'odeur des magnolias fleuris de houbes blanches. Il lui souvint d'avoir un jour déclaré à son mari « Tu es trop intelligent, tu ne seras jamais très riche. » Il avait objecté « Qui sait ?» Depuis la mobilisation, on avait fait un fantassin et la guerre un lieutenant. Le lot du couple était un an de ménage avant 4 années de séparation. Rude besogne pour l'homme, mortelle angoisse pour la femme, pendant qu'un Grutin massait millions sur millions et s'en croyait une sorte de dieu. Une cigarette, Lulu ? Elle remercia, de son franc sourire, la jolie Madame Grutin, et elle adressa au ciel la première bouffée. Ensuite sa main allant sa bouche, il sembla prendre des baisers que ses lèvres dispersaient en fumée. Elle regardait les beaux arbres, la pelouse, les échappées sur la campagne, pensant que son mari aurait bien mérité d'en jouir auprès d'elle. La cloche du portier annonça un visiteur. Grutin braqua simplement vers l'entrée du château de la longue-vue d'amiral, que lui avait apporté un valet de chambre, et il annonça « Mesdames, c'est le bijoutier !» On vit des femmes écraser leurs cigarettes et d'autres la renouveler, selon les tempéraments. Madame de Brigeon rejoignit un groupe. « Il faut 3 minutes, montre en main, pour monter de ma grille à mon perron, » constata le châtelain. « Et si le marche à reculons ?» interrogea Lulu. « On se fiche par terre. » Les termes et le ton du nouveau millionnaire dirent nettement qu'il ne tolérait pas certaines plaisanteries. Son large rire tonna aussitôt parce que sa repartie lui plaisait. L'amateur de Virgile pouffa d'une manière qui permit aux dames de s'égayer pour quelque chose, et le marchand arriva au bas des degrés. « Eh, mon cher, il fallait venir déjeuner. Ah, il fallait m'inviter, monsieur Grutin. Je pense bien à ça, avec mes usines, mes ouvriers, les sacrés contrôleurs et la guerre par-dessus le marché. Vous savez bien qu'il y a toujours un couvert pour les amis au château. Je le saurai désormais, monsieur Grutin. Et qu'est-ce que vous m'apportez? Tout ce qu'il y a de beau, en fait de perles. Le collier que vous aviez choisi, il est unique. » Grutin dit à sa femme, comme s'il ne lui avait pas encore parlé du joyau, « C'est pour toi. » Une seconde, les yeux quittèrent le petit sac de cuir d'où allaient apparaître des trésors pour contempler Madame Grutin. Madame de Brigeon observait son hôte qui mâchonnait avec vulgarité un énorme cigare. Il regarda soudain violemment la femme. « Voici la pièce. Elle appartenait à la duchesse de Tilsit. Les perles, suspendues aux doigts marron clair et noir velus du courtier, semblaient une misérable verroterie. Sauf Madame de Brigeon, les invités s'approchèrent comme des alouettes volent au miroir. « Ça ne vous intéresse donc pas, petite dame ?» demanda Grutin à l'indifférente. « Si fait, mais j'ai bien le temps de le voir. » Le vendeur célébrait l'orient des perles, leur impeccable régularité, l'harmonieuse progression de l'ensemble, des fermoirs vers la noisette centrale, une merveille qui, à elle seule, valait la moitié du tout. Il le mit au col de Madame Grutin, au lieu du rang fastueux qu'elle y avait. Et l'accent sincère d'une victime, près de rendre l'âme, il jura « Monsieur Grutin, si je l'avais vu sur la peau de madame, je ne vous aurais pas parlé de 500 000 francs, il en vaut 600 000. »« Soit, je vous le recède, » plaisanta le mari. tandis que sa femme, environnée d'admiratrices caquetantes, allait juger de l'effet dans une glace, le gros homme ôta son cigare pour souffler à l'oreille de la petite madame de Brigeon. « Vous me plaisez beaucoup. » Elle le regarda bien en face et lui objecta. « Vous me déplaisez encore davantage. » Madame Grutin exprima le désir de voir le collier sur une autre pour se rendre compte. « Il faut autant que possible une peau qui rappelle la vôtre. Vous le faites si bien valoir. Tenez, madame, par exemple. » Le marchand désigna madame de Brigeon avec une flatteuse timidité. Elle se récusa sans motif, plus ferme et aussi secrète à mesure que l'on insistait. Le collier passa de col en cou, et chaque fois, le joaillier s'extasiait. Grutin, qui revenait de son bureau, une liasse de billets de banque froissée au poing, cria qu'il voulait que madame de Brigeon portât les perles. « Je veux voir ça, » conclut-il. « Vous ne le verrez pas, » dit-elle simplement. Sa nette résolution affoula soudain le rustre riche. À voix basse, il tenta. « Je vous attacherai le pari au cou, si vous voulez, pari, cette semaine. » Elle l'encouragea d'une attitude ambiguë. Alors le malta. « Dites oui et c'est fait. Cet individu part d'ici avec mon ordre ferme de trouver le même. Si je volais celui-ci, pas un autre, immédiatement. Je, Lulu, devant tout le monde. Oui. C'est effrayant ce que vous me demandez là. Je le sais. C'est justement ce qui me plaît à moi. Prenez garde, je vais le faire. « Rien ne m'arrêterait. »« Si. »« Quelqu'un, mon mari, d'une gifle, bougea. » Et madame de Brigeon alla cacher dans le parc sa colère, sa honte et son impuissant dégoût, tandis qu'une dame attribuait son départ à l'envie. C'était « Les perles » par Charles-Henri Hirsch.